J'ai vu beaucoup de gens sourire sur les médias sociaux, beaucoup de gens qui étaient contents de l'activité qui avait lieu hier entre dans le secteur Mistassini et Saint-Jean-d'Arc. C'était la première édition du demi-marathon. Et je pense que c'est une mission accomplie pour Gilles Bouchard et sa gang. Et en ligne, ben, on lui parle. Salut Gilles! Salut! Gilles, effectivement, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde heureux sur les médias sociaux, des gens qui avaient réussi leurs objectifs. Qui s'était fixé de faire le demi-marathon, qui avait atteint leur objectif. Est-ce que je me trompe en disant que le sourire était là, ben, malgré la mauvaise température? Mais quoi que c'était une belle température pour courir, là. Cette température idéale pour courir, là. Bon, oui, nous autres, là, ben, ça faisait depuis le début de la semaine qu'on avait peur qu'il pleuve averse ou presque Ouais. dimanche. Hein, mais en fin de compte, on a eu une belle température de 9h jusqu'à, je te dirais, jusqu'à 11h, 11h15, qui a commencé à pleuvoir quand même assez fort, là. Ouais, OK. Et la grosse majorité des coureurs étaient rentrés. Puis ils ont rentré, comme tu dis, ils ont rentré vraiment heureux, là. Les coureurs étaient contents. On avait un parcours, là, qui était exceptionnel, puis des bénévoles tout le tour. On avait 60 bénévoles C'est bon quasiment tout le pareil, long hein? du parcours, oui. Avec quatre ravitaillements, puis non, ça a été une fin de semaine, une expérience incroyable. Ça a été vraiment parfait. Combien vous aviez de coureurs? On avait 270 coureurs C'est d'inscrits. plus que. Tu me corriges, je me trompe, mais c'est plus qu'au début, je pense, on visait 220, 225, je me rappelle bien, hein, c'est à peu près. Ouais, nous autres, ben, la première édition, là, on s'était limité OK. à 100, 125 parce qu'on n'avait pas le centre sportif. OK. Le centre sportif, la première édition qu'on devait faire, là, il était pas prêt, là. OK. On devait finir ça à l'école de Tournan. OK. Fait qu'on, tu sais, on était limité dans l'espace, fait qu'on voulait pas trop on voulait pas trop de n'avoir. Puis là, ben, à cause de la pandémie, la première édition n'a pas lieu. La deuxième année, ça n'a pas eu lieu non plus. Cette année, là, ça fait 3 ans qu'on est là-dedans, là. OK, ouais. Et c'est notre première édition. OK. Mais on le savait qu'il y a du monde qui ne viendrait pas parce qu'il y a du monde qui était inscrit de la première année qui nous avait donné l'inscription, mais qui gardait le droit d'inscription. OK. Mais tu sais, dans 3 ans, la course, là, il s'en passe d'affaires, là. Il y en a qui étaient blessés, il y en a qui ont lâché la course. Sur les 270 inscrits, là, il y en a environ 45 qui sont pas venus. Ah, c'est quand même bon pareil, là, là-dessus. Oui, là. Okay. On avait au-delà de 200 coureurs le dimanche. Est-ce que ça venait tout de boom, beaucoup de boom Sassini ou l'extérieur en ben, majorité? La grande majorité, c'était du coin, là. C'était du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. On avait de Québec. On avait quelques-uns Ah, de Québec. On OK. avait de Montréal aussi. On avait un petit peu de partout dans la province, là. OK, c'est quand Et même la très. grande majorité était d'ici. C'est quand même très, très bon. 270 coureurs, la grande majorité. Faut dire que la course à pied, le sport est en santé plus jamais, là. Exactement. C'est sûr que le monde aime ça, puis Ouais, parfait. c'est un sport qui est en recrudescence As-tu encore. des choses là-dedans que tu aurais aimé refaire où tout était too much, puis tout était parfait, ou pour l'an prochain, pour les autres années, peut-être améliorer un point ici, un point ici ou un point là? Ben, c'est sûr que c'est jamais parfait. Il y a Ouais. toujours de quoi améliorer, mais on n'a pas fait le bilan encore. On s'est pas rencontrés, là, ça a fini hier. On va faire le bilan cette semaine. Puis on va voir si on a des choses à améliorer ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a des coins qu'on va avoir des coins à améliorer, là, mais en grosse majorité, là, le monde était super satisfait. OK. Est-ce que la compétition, est-ce que le site était parfait pour ça? Il n'y a rien à redire du côté de Saint-Jean-d'Arc et Mistassini, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux dans le coin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein? Ben, c'est ce qui fait l'attrait de ce OK. demi-marathon-là. C'est vraiment son trajet. OK. C'est le trajet, là. On fait la première partie en forêt, après ça, le long des rivières, puis entre le Boom Stassini, là, c'est quand même un beau site. Le monde était satisfait du trajet d'un bout à l'autre. OK. Dis-moi, c'est sûr, tu m'as dit que tu n'avais pas fait le bilan, vous allez vous rencontrer cette semaine, mais est-ce que quand même, il a sûrement pensé que ça va être de retour l'an prochain à 270 coureurs comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Ça devrait. Ça Ça devrait, devrait, hein? là. Ah oui, c'est sûr qu'on y pense, là, mais en tout cas, on n'en est pas là encore. OK. Dans les objectifs, là, en terminant les plus fous, c'était-tu vraiment ça visé ou encore c'était encore mieux que vous pensiez? Et dans les objectifs qu'on avait visés. Ben, je pense que ça a été au-delà de nos espérances. Je pense, là, parce que avoir des sourires à l'arrivée, Ah, là, oui. La majorité du monde était. On a eu que des bonnes critiques là, à date. Là. On n'a pas eu vraiment. Puis 68 ouais. bénévoles, c'est ce qui fait la force d'un événement comme ça, c'est les bénévoles. Hein. Puis 68 oui. bénévoles, vous n'avez pas manqué de bénévoles, c'est ça qui fait la force. Non, il y avait du monde. Il y avait du monde tout le long du parcours. On avait ouais. quatre ravitaillements. Les ravitaillements, là, il y était 6-7 par ravitaillement. Okay. Puis il y avait du monde à toutes les intersections. Puis des agents à garde pour la sécurité. Tout y était là. On avait même des autos pour le premier soin. Il y en avait des médecins, des infirmières qui étaient dans le groupe. Là, puis, okay. Ben Gilles, donc, félicitations à ton organisation. Bravo. Et au plaisir de se reparler un autre temps. Bon, ben merci. Voilà bon. Donc la responsable de la première édition du demi-marathon, Gilles Bouchard.